temps qui passait, jamais n'effacer les souvenirs de vos jours passés. Folle jeunesse, toi qui nous laissais tant de tendresse et de regrets. Say.